Chapitre 10e, Antonio Vannozzi. Le nom de Raphaël était le plus populaire des noms italiens à cette époque. Tout le monde le connaissait. Il était rare qu'il ne fût point mêlé à tous les entretiens du soir. Ce fut un merveilleux temps que celui où, prenant en main la cause sainte des arts, les papes, sous les noms de Julien de la Rovère, de Léon de Médicis, de Paul Borghese, jetèrent dans tous les cœurs cette noble passion artistique qui devait faire de l'Italie entière ce prodigieux musée qui n'a pas encore épuisé l'admiration de l'Europe depuis 400 ans. Les hommes éclairés du rayon d'en haut répondirent à l'envie à ce touchant appel des souverains pontifes. Ils accoururent de partout aux ateliers ouverts au Vatican et à Saint-Pierre. Le génie n'est jamais en retard quand la puissance lui assure une protection éclairée. Et ceux qui ne vinrent pas à Rome trouvèrent partout à Venise, à Florence, à Gênes, à Sienne, à Pise, des hommes et des gouvernements riches et magnifiques qui comprirent que les jouissances procurées par les chefs-d'œuvre des arts sont les premières de toutes et voulurent, sur toute cette vie matérielle qu'avait créée le Moyen-Âge, souffler la vie de l'intelligence et de l'esprit que créait la Renaissance. Jamais époque ne fut plus puissante dans sa force et dans sa production. On reste effrayé quand on regarde l'œuvre immense de Raphaël, et qu'un souvenir important vous rappelle que cet homme est mort dans toute la force de l'âge et la virilité du talent. Tous les artistes de ce temps étaient heureux quand ils avaient obtenu un regard et une approbation pour leurs œuvres du divin Sanzio. De toutes parts, ils venaient solliciter l'honneur d'entrer à son école. Mais comme les places étaient généralement prises, beaucoup frappaient vainement, la porte ne s'ouvrait pas. Le dernier admis dans cette sainte phalange était Antonio Vannozzi, dont les traits délicats et les formes féminines révélaient ses 15 ans avant qu'il les eût nommés. De longs cheveux noirs, naturellement bouclés, encadraient avec grâce une figure brunie par le soleil italien, régulièrement belle et éclairée par 2 grands yeux noirs où brillait la flamme dévorante d'une passion non satisfaite. Quelle était cette passion? Nul ne l'aurait pu dire dans l'école de Raphaël. Antonio avait longtemps sollicité l'honneur d'être admis au nombre des élèves. Son talent déjà formé et viril avait parlé en sa faveur. Au reste, nul ne le connaissait avant son entrée à l'atelier, et depuis, il fréquentait peu ses camarades. Sa conversation avait quelque chose d'étrange, qui jurait avec le langage habituel des jeunes peintres. On voyait qu'il venait d'un autre monde, et que le hasard seul, ou quelque circonstance fatale, l'avait jeté au milieu des ateliers. C'était en effet une fatalité qui avait mis Antonio sous les pas de Raphaël. Et d'abord, il ne s'appelait pas Antonio. Son véritable nom était Antonia Vannozza, petite fille de cette Vannozza, la courtisane espagnole, qui avait été une des célébrités de Rome sous le pape Alexandre VI. Antonia avait dans le sang toutes les fougues et toutes les ardeurs de l'espagnol. Éprise d'un amour violent et indomptable pour Raphaël, cet artiste dont on parlait sans cesse devant elle, un jour elle avait fui avec résolution le domicile conjugal. Et changeant d'habit et de sexe, dissimulant son âge, elle avait profité d'un talent que son éducation lui avait donné pour entrer en élève dans l'atelier du maître. Elle espérait qu'un jour, quelque circonstance fortuite lui permettrait de se révéler à lui, et en attendant ce jour, elle dévorait sa passion et la calmait par le travail. 6 mois avaient ainsi passé, et son courage grandissait avec les obstacles. Ignorante des défaillances du maître, Antonia ne savait rien de la passion de Raphaël pour la fille du fornaro Gaffarelli. Elle apprit tout en voyant le portrait. Alors, une passion nouvelle envahit son cœur. Son fougueux sang espagnol se révolta dans ses veines. Elle se prit à haïr cette rivale, qui lui ravissait le cœur de Raphaël, de toute la puissance de cet amour ignoré qu'elle ressentait pour le grand artiste. En Espagne et en Italie, à cette époque, surtout, la femme ne vivait que de passion. La jalousie n'est pas ce sentiment mesquin et étriqué de nos pays du Nord, où l'épigramme légère, le mot à double entente corrosive est l'arme la plus dangereuse dans ces combats de salon et de coups d'épingle que se livrent deux rivales. La jalousie a ses ardeurs aussi violentes que celles de l'amour. Dans des villes où une femme peut décemment renvoyer les visites importunes en faisant répondre par une camériste qu'elle est amoureuse. Tout le monde comprend et excuse les excentricités et les folies de semblables passions, et nul n'oserait à ce sujet se permettre les railleries qui sont familières à nos mœurs. Brûlé par tous les feux de la jalousie, Antonia Banozza sortit de la maison de Raphaël avec ses camarades d'atelier, et pour la première fois, elle suivit les plus jeunes et les plus évaporés d'entre eux, qui avaient l'habitude de passer leur soirée dans les osteriers qui bordent l'une et l'autre rue du Tibre. Quelle était sa résolution? Elle ne le savait. En proie à mille idées qui se heurtaient confusément dans sa tête ardente, elle ne savait quel plan de conduite arrêter et suivre, avec la persistance qui assure le succès. Mais avant tout, elle comprenait qu'elle devait renoncer à son existence isolée, vivre avec ses compagnons et par eux connaître la vie du maître dont elle fréquentait l'atelier. Quand donc ceux-ci se séparèrent dans la rue du Bourg-Neuf, tirant chacun de son côté, Antonia s'adressant à celui qui était près de lui. « Hé, Paolo, dit-elle à un beau jeune homme de 20 ans, veux-tu que j'aille avec toi ?»« Volontiers, répondit celui-ci. « Et où allons-nous ? » ?»« À l'Osteria delle Infanti. On y danse ce soir une saltarelle à nouvelle, que Giacomo, notre camarade, doit inaugurer prochainement la fête champêtre de Baccano. Giacomo est le plus charmant danseur d'entre nous, et comme nous sommes tous intéressés à son succès, il faut que nous le préparions d'avance. Allons donc où tu voudras, répondit la jeune femme. Sous ses habits d'homme, Antonia Banozza était un cavalier plein de grâce et d'élégance. Il y avait bien dans ses mouvements un peu de cette mollesse et de cette nonchalance que la femme ne dépouille jamais. Mais quand on regardait son visage imberbe, tous attribuaient à son âge ce qu'il y avait encore en lui d'efféminé. Nul n'aurait pensé qu'une femme riche, élevée dans le luxe, se cachait ainsi sous ses habits étrangers, et l'on aimait Antonio comme on aime un enfant. Au reste, à part sa sauvagerie, Antonio avait toutes les qualités qui donnent de nombreux amis, à cet âge où le cœur est heureux de former sans cesse de nouveaux liens. Son esprit, quand il voulait le montrer, était pétillant de saillies fines et d'à-propos, et quand il contait une histoire, on faisait cercle autour de lui pour écouter cet heureux parleur qui semblait avoir passé par l'école de Boccace avant de venir dans l'atelier de Raphaël.